بسم الله الرحمن الرحيم سنأخذ اليوم المسألة الخامسة والخمسين من هذا الكتاب المبارك سكن ستشم مسألة في قوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله طلع بول طلع عز وجل dans le sens où il dit que si jamais une bonne chose les atteint, ils disent cela provient d'Allah Azza wa Jal. Et si une mauvaise chose les atteint, ils disent cela provient de toi, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dit, tout provient d'Allah Azza wa Jal. Surat An-Nisa, verset 78. قال المؤلف رحمه الله تعالى لا تعارض بين وبين قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. Donc il dit, il n'y a aucune contradiction face à la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le sens où il dit que ce qui t'a atteint comme bonne chose, cela provient d'Allah, et ce qui t'a atteint comme mauvaise chose, cela provient de toi-même. 79. Car la parole laisse entendre que cela contredit le verset qu'on a cité, sur lequel se trouve le débat. Que ce qui reprochait, les mouchtikoun reprochaient à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le mal provenait de lui. Qala wal jawab dhahir. Donc la réponse, elle est claire, apparente. وهو أن معنى قوله وإن تصبهم حسنة أي مطر وخزب وأرزاق وعافية يقول هذا أكرمنا الله به que le sens de la parole d'Allah lorsqu'il dit que si une bonne chose est atteinte, c'est-à-dire que c'est quoi cette bonne chose-là, comme la pluie, comme la fertilité des champs, ou comme la subsistance, ou comme la bonne santé et ces autres choses, ils disent cela, Allah nous a honorés par ces choses-là. وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيَّةٌ أَيْ جَدْبٌ وَقَحْتٌ وَفَقْرٌ وَأَمْرَضٌ يَقُولُوا هَذِي مِنْ عِنْدِكَ أَيْ مِنْ شُؤْمِكَ يَا مُحَمَّدْ وَشُؤْمَنْ جِئْتَ بِهِ Donc ils disent, le sens où Allah il dit que si une mauvaise chose les atteint, c'est-à-dire c'est quoi cette mauvaise chose, comme que les terres deviennent infertiles, ou qu'il y ait de la famine, ou qu'il y ait de la pauvreté et des maladies. Qu'est-ce qu'ils disent, eux ? Ils disent, cela provient de toi, Mohammed. Hein ? Car tu nous portes malheur. Et ce avec quoi tu es venu nous porte malheur. قال, قل لهم كل ذلك كل ذلك من الله. ومعلوم أن الله هو الذي يأتي بالمطر والرزق والعافية كما أنه يأتي بالجدب والقحط والفقر والأمراض والبلايا. Donc toi, qu'est-ce que tu veux leur dire, Mohammed ? Dis que tout cela provient d'Allah, Azza wa Jal. Il est connu que Allah, c'est lui qui apporte justement la pluie, qui apporte la subsistance, qui apporte la santé. Tout comme c'est lui également qui peut retenir tout cela, qui peut apporter l'infertilité des terres, qui peut apporter la famine et la pauvreté, ainsi que les maladies et toute autre calamité. قال ونذيروا هذه الآية قول الله في فرعون وقومه مع موسى وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ يُطَيِّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ Et cela ressemble à la parole d'Allah lorsqu'il parle de Pharaon avec son peuple face à Moussa alayhi salam, dans le sens où il dit que s'il y a une bonne chose ou une mauvaise chose les atteint, ils disent que c'est Moussa qui leur a porté malheur ainsi que ceux qui sont avec lui. وَقَوْلُوا تَعَالَى فِي قَوْمِ صَالِحْ مَعَ صَالِحْ قَالُوا طَيِّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكْ J'ai oublié de citer le verset tout à l'heure, c'est la parole de Pharaon avec son peuple face à Moussa, c'est El-A'raf, verset 131. Et actuellement là, celle de Salih, lorsque Salih a fait face à son peuple et qu'ils lui ont dit la même chose. Ils ont dit, nous avons été atteints d'un malheur à cause de toi et de ceux qui sont avec toi. Ça c'est Surat El-Naml. Les fourmis, verset 47. وَقَالَ أَصْحَابُ الْقَرْيَةِ لِلرُّسُلِ الَّذِينَ أُرْسِلُوا إِلَيْهِمْ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ وَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ C'est également le peuple, c'est également les paroles qu'ont eu le peuple face à leurs messagers qui leur étaient envoyés. Lorsqu'ils ont dit, nous avons été atteints du malheur à cause de vous, et si vous ne cessez pas, nous allons vous lapider. Yassine, verset 18. Donc ça, ce sont des choses qui sont répétées dans le cours de l'histoire. قَالَ وَأَمَّا قَوْلُهُ ma asabaka min hasanatin fa min Allah, ay li'annahu wal mutafaddal aw mutafaddil bi kulli ni'mah, wa ma asabaka min sayi'atin fa min nafsik, ay min qiblik wa min qibli 'amalik anta idh la tusibu al-insana sayi'atun illa bima kasabat yadah, kama qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an kathir. Quant à la parole, lorsqu'il dit que tout bien qui t'a atteint cela provient d'Allah, cela te dit ça verset 79, c'est-à-dire que c'est Allah Azza wa Jal à qui revient tous les bienfaits. C'est lui qui gratifie et qui accorde ses grâces à toute sa création. Donc cela lui revient. Et lorsqu'il dit dans le sens « et ce qui t'a atteint comme mal, cela ne provient que de toi-même », Sourate 119 de Nisa, c'est-à-dire cela à cause de tes actes, toi, c'est-à-dire toi, pas toi Mohammed en soi-même, mais toi, l'homme, ce qui t'a atteint comme mal, cela n'est que le fruit de tes propres actes. C'est pour cela qu'Allah, dans le sens où il dit, et tout le malheur qui vous a atteint, c'est pour ce que vos mains ont accompli, et il pardonne beaucoup. Shura, la consultation, verset 30. Donc c'est ça le jam. Comment on lit entre ces versets-là, c'est que le mal qui t'atteint, d'accord, lorsque Allah Azza wa Jalla dit que ce qui t'atteint comme mal, cela ne provient que de toi-même, non pas que tu portes malheur, toi, Mohammed, aux gens, mais plutôt que toi, ayouel l'abd, le serviteur, ce qui t'atteint comme mal, cela est dû à tes actes. Tu en payes le prix. Et là, c'est un point important à essayer de comprendre entre le mal que l'on paye, les conséquences que l'on paye pour le mal que l'on a fait, et également l'épreuve que l'on subit pour qu'Allah nous pardonne nos péchés et nous élève en degré. Ce sont deux masses à la différente. Car les messagers, comme vous le savez, ont été éprouvés. Est-ce qu'ils ont fait du mal pour avoir été éprouvés comme ils l'ont été? Non. Ils l'ont été pourquoi? Ainsi que les hommes pieux. Ils l'ont été pourquoi? Pour qu'Allah les élève en degré, encore plus. Et cela, comment cela peut-il se voir? Cela peut se voir du fait que ce qui t'atteint comme épreuve ne nuit pas à ta religion et à ton honneur et à ta personne. Contrairement à celui qui est atteint d'un mal, qui le rabaisse, qui l'humilie, qui touche à sa religion, à point qu'il tombe dans les péchés, dans les mukharafat et les alikas, lui, il paye un mal qu'il a fait. Mais celui, tu vois, c'est une parole qu'on répète souvent, tu vois qu'il est atteint d'une chose, maintenant il a une maladie qui le touche. D'accord? Mais c'est pas pour autant que son image, altérée aux yeux des gens, que sa religion, on en prend un coup du fait qu'il commence à faire des péchés ou ce genre de choses, ça c'est autre chose. Il se peut que ce soit également que Allah veut lui pardonner ses péchés, mais l'élever en degré. Car il y a toujours un mal qui était causé. L'insan ne cesse de commettre des fautes. Et ces fautes-là doivent être expiées. Et des fois, elles sont expiées par des épreuves. Naam. Qala, wa sayati insha'Allah tahlil al-maqam fi qadiyat af'al al-ibad bima yarfa'u l'ishkel fi surat al-shams fi kalam ala qawlihi ta'ala فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. Et il dit qu'il va parler un peu plus de ce qui touche aux actes du serviteur, cela dans ce qui se trouve comme verset dans Sourate Shams. Inch'Allah ta'ala. فَبِيَدَنَكْتَفِي وَنَكُلْ أَلْحَمْدُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.